Section 40 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 40. Une histoire d'amour par Maxime Ducamp de l'Académie française. Avertissement. Ceci n'est pas une nouvelle au sens étroit du mot, c'est-à-dire une œuvre d'imagination avec une intrigue, quelques péripéties et un dénouement. Ce n'est qu'un récit. En le publiant, je fais acte d'exécuteur testamentaire, rien de plus. La lettre que l'on va lire et dont l'original est entre mes mains m'a été remise par Madame Aurélie B., héritière et filleule d'un compositeur qui fut et qui est resté célèbre. Mon rôle a été modeste. J'ai éliminé des digressions superflues. J'ai surveillé la composition typographique. En outre, j'ai changé le nom des lieux et modifié le titre des œuvres lyriques afin de dérouter autant que possible la curiosité et de conserver à l'auteur le bénéfice de l'anonyme qu'il eût certainement voulu garder. Il est mort à Paris depuis plusieurs années déjà et l'on a pensé que l'on pouvait, sans inconvénient, communiquer au public l'humble épisode qui paraît lui avoir été d'autant plus cher qu'il y rencontrait un contraste éclatant avec son existence tourmentée. M.D. Nous nous sommes mal quittés, ma chère enfant. Tu as eu un regard narquois qui m'a rendu grognon et sottement j'ai boudé quand j'aurais dû sourire. N'y a-t-il eu en moi que de la mauvaise humeur? Et ta question n'a-t-elle pas réveillé quelques souvenirs douloureux qui dormaient dans mon cœur? La différence d'âge qui nous sépare est telle que tu dois me croire devenu insensible à certaines impressions. Aussi, dans la question que tu m'as adressée, j'ai vu de la raillerie là où il n'y avait sans doute qu'un peu de curiosité. Tu as 30 ans, tu es heureuse, tu es dans la floraison de la vie. Tu as de l'affection pour moi, mais sans penser à mal, et sous la seule impulsion de ta jeunesse, tu me regardais volontiers comme ces momies de Pharaon que l'on va voir dans les musées. Car j'avais précisément l'âge que tu as aujourd'hui, lorsque ta mère me demanda d'être ton parrain. Quand tu étais toute petite et que tu grimpais sur mes genoux, pour mieux fouiller dans mes poches où tu trouvais toujours quelque surprise à laquelle tu t'attendais, je te semblais déjà bien vieux. Qu'est-ce donc à cette heure où je ne suis plus, je le sais bien, que l'ombre de ce que je fus jadis? Crois-tu que j'ignore ce que tu penses de moi? Un soir après le dîner, il n'y a pas longtemps, nous étions dans ton salon. La conversation languissait, les femmes paraissaient ennuyées et les hommes ne s'amusaient guère. Tu t'en apercevais. Tu ouvris ton piano et tu chantas le grand air de la fée Morgane de mon opéra Les Noces de l'Aurore. Tu chantas bien, car tu as une jolie voix, quoique tu la conduises peu sagement dans les notes élevées. Tu fus très applaudi et sans vanité je pus prendre ma part des bravos qui te saluaient. Tout bas, et comme si, malgré toi, ta pensée s'échappait de tes lèvres, tu dis: « Est-ce singulier qu'il ait fait cela ?» Je t'entendis. Je ne fus point irrité et, en souriant, je me rappelais le vers d'Hernani « Vieillard, va-t'en donner mesure au fossoyeur ?» Oui, petite fille, c'est moi qui ai fait cela. Et j'en ai fait bien d'autres, et ça n'a rien de singulier. L'âge m'a touché, les fatigues de la vie ont courbé mes épaules, mes cheveux blancs ne laissent plus deviner qu'ils ont été de la couleur des tiens. Le vieil arbre est couronné, mais toute sa sève n'en a point disparu. Il porte encore sa frondaison, et les oiseaux chantent sur ses branches. La lyre qui est en moi n'a pas cessé de résonner. J'ai eu l'enivrement du triomphe, et lorsque par hasard j'entre au théâtre et que j'y assiste à l'exécution d'une de mes œuvres, je me dis « C'est moi qui ai fait cela. Entends-tu bien, ma filleule ? Et je ne le trouve pas singulier, car je suis tout prête à recommencer. » C'est ta malencontreuse phrase qui m'est revenue au souvenir lorsque, me regardant avec tes yeux parfois un peu trop railleurs, tu m'as dit « Mon parrain, tu dois avoir eu des aventures d'amour. Raconte-les-moi, cela m'amusera. » La peste soit de la petite fille qui va encore trouver singulier que j'ai fait cela et qui veut se moquer de moi. J'ai froncé les sourcils et je t'ai regardé avec rudesse quand tu es parti. Je t'ai donné la main au lieu de t'embrasser, comme j'en ai l'habitude. Puis je me suis assis en maugréant et j'ai donné des coups de pincette à une pauvre bûche qui brûlait de son mieux. À 6 heures, Manette a ouvert la porte et a dit « Le dîner de monsieur est servi. Je n'ai pas bougé, je suis restée à contempler le feu que je ne voyais pas. Au bout de 5 minutes, Manette a reparu. Voilà monsieur tombé dans ses rêveries. Monsieur a tort, car la soupe de monsieur refroidit. Allons, allons dîner, la peste soit de la petite fille et de ses questions. Manette avait raison, j'étais tombée dans mes rêveries. Rêveries et souvenirs, bien souvent, c'est tout un. Aventure d'amour, à la façon dont tu me demandais de te les raconter, il m'avait été facile de comprendre que tu croyais que ce vieil homme, qui est ton parrain, n'en avait jamais eu. À 14 ans, campé dans la salle à manger, à côté d'une femme de chambre qui ne quittait point son ouvrage des yeux, afin de ne pas m'éclater de rire au nez, je me tournais vers le poêle et je chantais à tue-tête. Sur cet autel sacré, viens recevoir ma foi, car à cette époque nous estimions que Spontini a du talent et que la Vestale vaut qu'on l'admire. Ah, si je racontais mes amourettes, je n'en finirais pas. Bien loin, au fond de la longue avenue de ma mémoire, je me revois arrivant à Rome, tout fier de mes lauriers académiques, et ne sachant pas si je devais m'arrêter à regarder les transtévérines ou les femmes de la grandesse. Après avoir fait mon temps à la Villa Médicis, lorsque je rentrais à Paris, je m'imaginais que l'on n'attendait que moi pour monter les opéras en 5 actes et exécuter au conservatoire des symphonies inédites. Il me fallut en rabattre. Grâce à un député de mes parents qui oscillait par principe entre la gauche et la droite, on me confia un ballet à écrire. La scène se passait en Océanie. Je m'en tirais à mon honneur. Le second et le dernier acte se terminaient par une sarabande qui célébrait le mariage du jeune aviateur et de la reine de l'île des cocotiers. Cela eut du succès. Quand le rideau fut retombé, le corps des figurantes et quelques futurs premiers sujets me portèrent en triomphe dans le huis clos des coulisses. Cold cream et poudre de riz, j'en fus quitte pour un habit noir. Plus tard, lorsque j'étais tout entière à mon opéra de Richard en Palestine, je voulus un peu naïvement, je l'avoue, aller chercher des inspirations autour de Jérusalem et dans les vallées de Seleucie vers les hauteurs où vécut le vieux de la montagne qui, pour moi, n'était qu'un basso profundo. Il est des villages où habitent des femmes que l'on appelle emphatiquement des princesses. Orphée, notre patron dans l'Olympe du paganisme, charmait les monstres. Je fis comme Orphée et ne m'en sentis pas plus fière. Je pourrais te dire bien des historiettes et te les donner pour des aventures d'amour, mais ce serait abuser de ta candeur, madame ma filleule, et ce serait manquer de respect à Mozart que de chanter après lui le Milletré de Don Giovanni. Les histoires d'amour sont tristes, n'est-ce pas? Et il ne faut pas les confondre avec la galanterie qui est toujours gaie, sinon indifférente. Oui, ta question a fait revivre en moi une histoire d'amour qui est presque d'hier, ne ris pas, et qui m'oppresse lorsque je ne parviens pas à la chasser de mon souvenir. Cette histoire, je me la suis racontée pour la 1000e fois peut-être, quand tu as été parti, pendant que ma soupe refroidissait, et que Manette n'était point contente. Il y a 5 ans, tu ne l'as pas oublié, j'ai donné mon opéra Conradin, qui fut accueilli par le public avec une extrême bienveillance. La presse fut unanime à me louer et les abonnés furent satisfaits d'un divertissement qui mettait en évidence des jambes auxquelles on portait intérêt. On s'occupa de moi un peu partout et je fus averti que l'on montait mon opéra à Vienne. J'y courus pour surveiller la mise en scène, diriger les répétitions et rectifier l'orchestre si, par hasard, il s'écartait des mouvements indiqués. Le théâtre mit à ma disposition toutes ses ressources qui ne sont point à dédaigner. Le succès fut considérable, mais je n'eus pas à en jouir longtemps, car il me fallut aller à Milan, où la Scala me faisait l'honneur de m'appeler. Quelque disposés que nous soyons à nous attribuer le mérite d'une œuvre, il ne faut point trop s'en faire à croire, comme disent les bonnes gens, et je reconnais volontiers que le sujet de l'opéra était pour beaucoup dans l'applaudissement accordé à ma musique. Conradin est un personnage émouvant. L'Allemagne et l'Italie le réclament. C'est pourquoi Vienne et Milan avaient été au-devant de mes désirs. Succès en Autriche, succès en Lombardie. C'était de quoi satisfaire les plus difficiles et j'étais fatiguée. Le labeur des répétitions, faites coup sur coup à 3 théâtres de nationalités différentes, m'avait surmenée. J'avais soif de repos et je ne rêvais que d'horizontalité à l'ombre des grands arbres. Nous avons beau contraindre notre corps à l'immobilité, il y a en nous une part immatérielle qui ne peut demeurer oisive, qui toujours travaille, toujours rêve, toujours aspire au mieux, toujours regarde plus haut. Pendant que je geignais de lassitude, ma vieille tête fermentait et je me disais que dans « La coupe et les lèvres » d'Alfred de Musset, on pourrait tailler un admirable libretto. C'est pourquoi je m'en allais au Tyrol, comme autrefois j'avais été en Syrie. Un peu au hasard de ma fantaisie et sans trop savoir où je prenais gîte, je m'arrêtais à Sternbach. Les guides en parlent, petite ville célèbre par ses eaux thermales, bons hôtels, casinos, voitures à volonté, industries peu florissantes, promenades agréables dans les environs, ruines de l'abbaye de Nariestal, pierres druidiques douteuses, climat tempéré. Comme tu vois, j'étais renseignée de façon à ne pas me douter où j'allais. La ville est jolie, ni allemande, ni italienne, l'une et l'autre, avec une de ces églises boudoirs auxquelles excellait la compagnie de Jésus et un marché couvert où viennent s'asseoir les paysannes hautes en couleur et respirant largement, car elles ont toujours quelques granules de réalgar derrière les lèvres. Les maisons s'élèvent en amphithéâtre à mi-côte d'une colline qui baigne ses pieds dans une mince rivière. La vallée a de l'étendue et est abritée du nord par une chaîne de montagnes. Un grand bois de hêtres a été divisé en allées qui convergent vers un rond-point, c'est le parc, le cœur même de Sternbach, c'est-à-dire le casino autour duquel sont groupées des boutiques où l'on ne vend que des choses inutiles. C'est un endroit charmant où l'on peut être paresseux sans remords, car on n'a rien à y faire. Population de stations balnéaires, c'est-à-dire population cosmopolite et assez mélangée, des Italiens fuyant la chaleur, des Allemands, quelques Français, des Anglais outillés pour fouetter la truite, des Russes à l'air ennuyé, des demoiselles venues de partout et parlant une sorte de langue sabire qui leur permet de demander et de recevoir dans tous les idiomes. Il existe là les eaux thermales, je l'ai constaté. Une source d'eau chaude coule non loin d'une source froide. En les réunissant, on obtient une eau tiède, excellente pour le blanchissage. Chacun fait sa cure. La cure est individuelle et modifiée selon le tempérament. On fait la cure d'air sur la montagne, la cure d'ombre sous les arbres, la cure de soleil au milieu de la prairie, la cure d'eau dans une baignoire. La cure la plus suivie m'a paru être la cure de musique. 4 fois par jour, à 8 heures du matin, à midi, à 4 heures et à 8 heures du soir, un orchestre prend place dans un vieux chalet en forme de tente et joue tous les airs de la Saint-Jean, entremêlant Wagner et Cimarosa, Rossini et Spohr, Offenbach et Pergolese. Le bruit est varié et l'on y prend plaisir. On se réunit volontiers autour du chalet, on écoute, et la canne des amateurs bat la mesure à contre-temps. Je vivais là très bien, me promenant sous les hêtres, savourant ma gloriole, et ne disant mot à personne. J'étais un des fidèles de la musique, on m'y avait reconnu, je le savais, car plusieurs fois j'avais entendu prononcer mon nom. Je m'asseyais d'habitude au pied d'un épicéa non loin du chalet. On semblait s'être donné le mot pour me réserver cette place, car ma chaise y était toujours libre. Je t'avouerai, ma chère enfant, que j'étais touchée de ses attentions et que je n'en trouvais le pays que plus agréable. On parlait de moi en termes excessifs. Pour les Italiens, j'étais l'illustre maestro. Pour les Allemands, le célèbre componiste. Et je n'en étais point fâchée. Le nectar que l'on versait à ma célébrité n'était pas toujours de qualité aussi choisie et parfois il était un peu frelaté. Un jour, après avoir exécuté le final du second acte de Conradin, les musiciens se tournèrent vers moi et m'applaudirent en frappant de l'archet sur le dos des violons. Je saluai avec tout ce que j'ai de modestie. 2 de nos compatriotes, assis derrière mon arbre, qui ne pouvaient me voir et que j'entendais, furent étonnés et s'interrogèrent. « Qu'est-ce donc ? C'est une ovation à un compositeur français qui est ici. Quel compositeur ? Mais tu sais bien, comment diable s'appelle-t-il ? Chose, tu sais bien, qui a fait une machine intitulée... Attends donc, tu sais bien, je n'ai pas la mémoire des noms, je ne connais que cela. Aide-moi donc. Il est de quelque chose, je ne me rappelle plus de quoi, une chose savante, de l'institut ou de l'école polytechnique. Ah, c'est insupportable, je l'ai au bout de la langue, mais je n'ai pas la mémoire des noms. Le proverbe ne se trompe pas, nul n'est prophète en son pays. Je ne pus m'empêcher de rire en pensant que nous sommes heureux et même fiers lorsque ces gens-là nous applaudissent, car, en somme, Il constitue le public, ce public pour lequel nous vivons et par lequel, souvent, nous mourons. Tu me demanderas ce que je faisais ? Rien, ou à peu près. Je remerciais les arbres de verdoyer, j'écoutais les ariettes qui chantaient d'elles-mêmes dans ma cervelle, assis auprès de mon épicéa, je suivais de l'œil les femmes qui se promenaient autour du chalet de l'orchestre. Parfois, elles se retournaient et laissaient tomber les yeux sur moi. Je m'en apercevais et je feignais de ne point les voir. C'est le compositeur et non l'homme qu'elles regardaient, je le sais bien. Mais il m'est impossible de séparer l'un de l'autre, ne t'en déplaise, ma filleule. Et il m'est arrivé de rougir d'aise, comme si je n'étais pas un vieux bonhomme revenu des erreurs de ce bas monde. Que de fois je me suis répété le vers de la tristesse d'Olympio. Jeune homme, on te maudit, on t'adore, vieillard. Le poète a eu raison. Plus nous devenons incapables d'inspirer de l'amour, plus l'amour nous apparaît ineffable. On regrette les heures gaspillées au temps de la jeunesse à autre chose qu'à aimer. On se dit « si j'avais su ». Et maintenant que l'on sait, il est trop tard. L'âme vibre encore, elle vibre plus que jamais. Elle a des élans superbes et d'énormes coups d'ailes, mais elle sait que la forme dont elle est revêtue a été détruite par l'âge. Le poids des ans est si lourd qu'elle n'ose plus le soulever. Elle a horreur de la matière qui l'enveloppe, elle se tait, elle se cache, car elle craint d'être jugée sur l'apparence, et l'apparence ne peut faire illusion. Elle ressemble à une source qui coule en sanglotant au fond d'une ruine. Passons, passons. Un poète a chanté la plainte d'une momie, je ne veux pas la traduire en prose. Cependant, Sternbach s'animait chaque jour davantage, les hôteliers se frottaient les mains, et avaient doublé leur prix, les dîners de la table d'hôte duraient trop longtemps, et les cochers des voitures de louage choisissaient leurs clients. L'administration du casino redoublait d'efforts, et, pour mieux accumuler plaisir sur plaisir, elle décida de donner un concert et un bal d'enfants. Le programme du concert ne me fit pas sourire. Il annonçait le duo du premier acte de Richard en Palestine. Je me résignai, perdu dans un coin de la salle mal éclairée. J'écoutais et je m'aperçus qu'en vieillissant, ma musique s'était modifiée. Les fa dièses étaient devenus des fa naturels et les bémols avaient une voix si faible qu'on ne les entendait plus. C'est surtout en matière d'exécution musicale dans les théâtres de province et les concerts exotiques qu'il est bien séant de se rappeler que l'intention doit être réputée pour le fait. Après un morceau de Wagner, boxé sur un piano qui en souffrit, il y eut suspension d'audience, comme l'on dit en cour d'assises. Dans la salle, la chaleur était lourde. Plusieurs personnes sortirent afin de respirer l'air frais de la soirée. Je m'arrêtai devant le perron, non loin de deux femmes qui agitaient leurs éventails en causant. L'une chantait à demi-voix, et d'un accent plus juste que celui du contralto que je venais d'entendre, « N'aurais-tu pas pitié de ma jeunesse errante? J'ai traversé les mers pour venir jusqu'à toi. » C'est, tu te le rappelles, le début du duo. Il me sembla qu'elle portait son mouchoir à ses yeux en disant « C'est admirable, ah, que je voudrais le connaître !» Sa compagne se mit à rire. « Il est ici, fais-toi présenter !» Elle reprit « Je n'oserais jamais !» Je m'écartai, pas assez cependant pour la perdre de vue, et je la regardais. À travers l'obscurité, je distinguais une taille svelte, une robe en foulard bleu à pois blanc, une chevelure très abondante qui me parut blonde. Quant aux traits du visage, je ne pouvais les apercevoir. J'allais rentrer dans la salle du casino, décidé sans vergogne à me mettre en évidence, de façon à être reconnue par celle qui voulait me connaître, lorsque les deux femmes se rapprochèrent de moi. « Reviens-tu au concert ?»« Non, il faut que j'aille coucher la petite. » « Mais sa bonne est là. Ah, ce n'est pas la même chose. À demain. » Elle s'éloigna. Je ne fis pas un pas pour la suivre. J'allais reprendre ma place dans la salle du concert et je ne sais pas ce que l'on y joua. Le lendemain, les murs de la ville et jusqu'au tronc des hêtres étaient tapissés d'affiches. Dans les rues de Sternbach, encore soumises aux usages du bon vieux temps, le tambour de la municipalité, suivi des gamins du pays, battait sa caisse, s'arrêtait de 100 pas en 100 pas et nasillait. Aujourd'hui, de 2h à 4h de relevé, grand bal d'enfants dans l'ancienne salle du casino. Divertissement, danse variée, cotillon, jeux de toutes sortes, tombola, orchestre choisi. Le prix d'entrée est fixé à un demi-florin d'Autriche. Le tambour faisait un roulement et, après une pause, comme pour donner plus de solennité à ses paroles, il ajoutait « On servira des rafraîchissements ». Je me décidai à aller à ce bal. Tu sais que j'aime les enfants, peut-être parce que je n'en ai pas, et surtout parce que je n'éprouve pour eux que de la commisération. Je pense comme Usbek des lettres persanes. Il faut pleurer les hommes à leur naissance et non pas à leur mort. Lorsque je regarde autour de moi, lorsque je me retourne vers le passé de mon existence qui, cependant, fut heureuse et que je vois des enfants, je suis pris de tristesse en me demandant ce que la destinée leur réserve. L'insouciance, la joie, la santé, l'imprévoyance d'un lendemain auquel on ne saurait songer, les dorloteries maternelles, tout cela s'en ira, pour faire place à l'angoisse, au chagrin, à la maladie, à l'inquiétude, au regret de ceux que l'on aime et qui meurent, à la lutte quotidienne, aux déceptions, à la ruine et peut-être à l'infortune. C'est pourquoi je suis de ceux qui gâtent les enfants et qui, en prévision de l'avenir, cherchent à leur faire quelques années heureuses au début de la vie. Est-ce donc en vertu de ces considérations que j'entrais à 2 heures sonnantes dans l'ancienne salle du casino? Mais sans doute, j'ajouterai que je m'étais dit « Elle a une petite fille, donc il est probable qu'elle viendra au bal ». L'ancienne salle du casino n'était qu'un hangar suffisamment éclairé par un jour d'atelier. Sur le plancher de sapin, on voyait serpenter les traces d'un récent arrosage. Quelques rangées de chaises s'alignaient régulièrement au long des murailles de bois que, pour la circonstance, on avait décorées de feuillage. À l'extrémité de la salle, les musiciens de l'orchestre étaient assis sur une estrade que l'on avait dissimulée tant bien que mal derrière des caisses d'arbustes. Quand un ivrogne voit un cabaret, il y entre. Quand je vois un orchestre, j'y cours. Je me plaçais donc entre les arbustes et l'estrade, de façon à ne point perdre une note de musique et de façon à voir dans la salle sans être vu. On arrivait lentement, et de démarche imposante, les parents amenaient leurs enfants, petits garçons ahuris et gauches, petites filles de modeste maintien, qui marchaient les yeux baissés et glissaient le regard en coulisses pour s'assurer de l'effet qu'elles produisaient. Quelques-unes avaient des gants neufs et contemplaient leurs mains avec ravissement. La fête promettait d'être luxueuse car, sur une table percée à côté de moi, je voyais un coussin chargé de décorations en clinquant destiné aux jeunes messieurs et une corbeille pleine de bouquets entourée d'une collerette de papier réservée aux jeunes demoiselles. Le tambour avait crié « On servira des rafraîchissements !» En effet, sur 2 plateaux, j'apercevais des verres de sirop et une pyramide de brioches. Dans la salle, un petit homme se démenait, rebondi, grisonnant, frisé, en cravate blanche, en gilet évasé, en pantalon noir assez court pour découvrir des pieds prétentieux, chaussés d'escarpins vernis à boucles d'or. Il allait, il venait, ne touchant pas terre, les coudes en dehors, saluant de droite et de gauche avec une bienveillante supériorité, affairé, donnant des ordres, près de s'envoler comme un sylphe ou comme un ballon. C'était le maître à danser, qui attendait que l'on fût en nombre pour commencer les divertissements, souriant mais grave, pénétré de sa responsabilité comme un général qui attend l'entrée en ligne d'un dernier corps d'armée pour livrer bataille. Pendant que je regardais ce fantoche, que je m'amusais et m'attristais de son importance, car nous sommes tous ainsi, je sentis que l'on me touchait l'épaule et je me retournais. Le chef d'orchestre avait quitté son pupitre et, appuyé contre l'estrade, il me parlait. La vie était dure pour lui. Il valait mieux que le métier auquel le sort le condamnait. Il n'était point fait pour diriger des musiciens de plein vent et pour faire danser des enfants qui ne savent point danser. En hiver, c'était bien pis encore. À peine un concert qui ne soldait pas ses frais. À peine un bal payant où l'on ne payait pas. Ah! Si monsieur voulait, si monsieur qui a de si belles connaissances, qui est une autorité musicale, daignait seulement lui donner un coup d'épaule, le recommander au théâtre de Paris, certainement on lui offrirait une situation en rapport avec son mérite, et il ne serait plus réduit à végéter dans une petite ville qui n'a que de la neige en hiver et des baigneurs en été. J'écoutais les nénis du pauvre homme. Je les connaissais pour les avoir entendus toujours, en tout pays, à tous les échelons du marchepied social. J'allais lui répondre lorsque le maître de danse, voltigeant sur ses pointes, lui dit une mazurka de grâce pour animer mes petits chérubins !» Le chef d'orchestre remonta à son pupitre et je me retournai vers la salle qui s'était remplie pendant que je prêtais l'oreille aux doléances du Kapellmeister. Les deux rangs de chaises, placées devant moi et dont je n'étais séparé que par les arbustes, étaient occupés. Sous mes yeux, à portée de ma main, une femme était assise en robe de foulard bleu à pois blancs. Je la regardais avec une intensité extraordinaire, mais je ne puis dire que je la dévisageais car elle me tournait le dos. Des cheveux blonds, à reflets cendrés, frisaient sur un cou charmant. La main dégantée, très fine, un peu maigre, les relevait par un geste machinal. Sur ses genoux, elle tenait une petite fille et se penchait pour parler à sa voisine. Au son de la voix, je n'eus point d'hésitation. C'était bien elle. C'était celle qui avait dit « C'est admirable. Ah, que je voudrais le connaître !» Parfois, j'apercevais son profil et je le trouvais fait à souhait pour le plaisir des yeux. Derrière moi, l'orchestre éclata et toute la marmaille se mit en l'air, sans ordre, malgré le maître de danse, sans mesure, malgré le rythme. Trois ou quatre fillettes de 13 à 14 ans essayaient de faire croire qu'elles savaient ce qu'elles faisaient. Quelques nourrices manœuvraient assez convenablement, sous prétexte d'amuser leurs poupons. Le reste des danseurs se trémoussaient au hasard et remuaient pour remuer. Le parquet n'était point ciré, aussi l'on ne tombait pas trop souvent. Elle ne se retournait pas. Penchée en arrière, cambrant la taille, elle faisait sauter sur ses genoux la petite fille qui riait aux éclats et se rengorgeait de plaisir avec les gestes adorables de la grâce inconsciente. L'enfant était très belle et de santé resplendissante. Un ruban écarlate retenait ses cheveux bouclés. Pauvre petit chaperon rouge, il est quelque part le loup qui a de si grands bras pour te mieux embrasser. Un rire perlé s'égrenait de ses lèvres entrouvertes et parfois elle poussait un cri lorsque sa mère, d'un brusque mouvement, la balançait au-dessus d'elle. Et les bras, comme ils étaient potelés, et les mains, comme elles frappaient l'une contre l'autre avec allégresse. Mon regard ne quittait plus cet enfant dont tous les gestes semblaient en harmonie avec ceux de sa mère. Et par un de ces effets de contrepoint qui sont plus fréquents encore dans la vie qu'en musique, tandis que mes yeux se réjouissaient de voir cette merveilleuse petite créature, mon esprit s'attristait en pensant qu'elles sont bien fugitives les heures où les mères et les enfants s'absorbent dans un bonheur parfait. As-tu remarqué, ma filleule, qu'il est des instants où les circonstances même les plus prospères développent en nous, sans motif appréciable, une tristesse invincible? Pourquoi? Quelle corde lugubre résonne en nous subitement? Quel papillon noir l'a frôlé de son aile et en tire des accents lamentables? Impression nerveuse, disent les médecins, qui expliquent tout et n'expliquent rien avec les nerfs. Or, je subissais une de ces impressions. Mes morts semblaient revivre en moi et me parlaient du passé. Les déconvenues de ma vie m'apparaissaient, les brumes de l'inquiétude obscurcissaient ce qui me restait d'avenir, et je me sentais triste jusque dans mes moelles pendant que je regardais la petite fille riant et sautant entre les mains de sa mère. La mazurka avait pris fin. Les danseurs et les danseuses étaient retournés auprès des parents qui leur essuyaient le front et réparaient leur coiffure. Au bout de quelques minutes, le maître à danser accoupla les enfants deux à deux, les disposa en une longue file, à peu près par rang de taille, et fit mine d'inviter la petite fille qui se rejeta dans les bras de sa mère. « Elle est encore trop jeune, » dit-il avec un sourire séraphique. « 3 ans à peine, ce sera pour l'année prochaine. » Puis, s'adressant au chef d'orchestre, il lui cria « Une polonaise !» On joua une marche que j'avais peut-être entendue 20 fois sans y faire attention et qui, dans la disposition d'esprit où j'étais, produisit sur moi un effet presque douloureux. On eût dit qu'elle évoquait les fantômes et épaississait l'ombre dont j'étais enveloppée. Je ne puis cependant pas dire que je l'écoutais, non. Je l'entendais. Elle me berçait et formait une base continue sur laquelle mes pensées brodaient leurs lamentations. Après un prélude 2 fois répété, le motif principal se dessinait. Sol, sol, la, si, fa, mi, ré, do, si, fa, si, la, sol. Par quelle aberration cette phrase, dont la banalité te fera sourire, devint-elle un cri de douleur qui trouvait son écho en moi? Il m'est impossible de l'expliquer, mais j'avais les yeux humides et j'étais oppressée. Lorsque la reprise du motif allait se produire, j'éprouvais comme une émotion d'impatience. Il me semblait, en cette minute, que j'aurais volontiers passé ma vie à entendre les instruments à cordes moduler ce que je prenais pour une plainte et que je ne me lasserais jamais de contempler le dos d'une inconnue dans une robe de foulard bleu. Tout à coup, la petite fille quitta les genoux de sa mère et, passant à travers les groupes disloqués qui s'imaginaient exécuter une marche au flambeau en plein jour, elle courut, les bras tendus, au-devant d'un homme jeune et vigoureux. Les moustaches blondes, les cheveux coupés ras, le bras gauche écarté du corps, comme par l'habitude d'éviter le choc de la poignée du sabre, la redingote serrée à la taille, les épaules effacées, la démarche, le maintien, tout en lui, indiquait un officier. Avec un bon sourire, il se pencha vers la fillette, la souleva dans ses bras et vint la déposer sur les genoux maternels. Pendant qu'il s'avançait, me faisant face, nos yeux se rencontrèrent et une expression de surprise avait passé sur ses traits. Il s'inclina vers la jeune femme et lui dit un mot à l'oreille. J'avais été reconnue et je venais d'être nommée. Je n'en pus douter car, de ce moment, elle fit effort pour tourner la tête et regarder derrière elle. Ce n'était point facile. Elle ne pouvait me voir qu'en se levant et les femmes n'aiment pas à être prises en flagrant délit de curiosité. La polonaise continuait toujours. Je la murmurais à bouche close et je méditais de me glisser derrière les arbustes, d'aller me placer à l'autre bout de la salle afin de bien regarder celle qui cherchait à m'apercevoir, lorsque la petite fille, lasse d'être en repos, se campa devant sa mère et se mit à tourner comme si elle valsait. Elle avait mis ses mains sur ses hanches, pivotait sur elle-même et riait. Deux grands dadais d'une douzaine d'années, enlacés, le visage de trois quarts, les yeux au plafond, prétentieux et sots, inspirés sans doute par le rythme de la marche, croyaient polquer parce qu'ils se donnaient des coups de pied dans les chevilles. La petite fille ne les voyait pas. Ils la heurtèrent en passant. Elle fut renversée. Je jetai un cri et me précipitai. La mère avait été plus rapide que moi. Elle serrait son enfant dans ses bras. Nous nous trouvâmes face à face. Quel saphir sous ses paupières. Je repris ma place. La petite fille pleurait. Non qu'elle se fût fait mal, mais le choc l'avait surprise et elle était suffoquée. L'officier lui parlait et la dorlotait pour l'apaiser. Je pris un des bouquets posés auprès de moi et j'y ajoutai une décoration en papier de toutes couleurs, fleurs et clinquants. C'est de quoi calmer bien des chagrins. Je l'offris à la petite fille qui le saisit et se mit à sourire. Sur une parole que sa mère lui dit à voix basse, mais que j'entendis, « Va remercier le monsieur. » Elle vint à moi sans timidité. Je l'enlevai et l'embrassai bruyamment, comme si mon baiser devait aller plus loin. Sol, sol, la, si, fa, mi. Le chant des violoncelles ressemblait à un sanglot. Elle était remontée sur les genoux de sa mère. L'orchestre se taisait. On offrait les rafraîchissements annoncés par le tambour. La salle était pleine de brouhaha. Le maître a dansé s'épongeait, les enfants, les parents, les bonnes, les institutrices étaient debout et parlaient tous à la fois. Le bruit me fatiguait et je n'étais point fâchée d'aller me promener seule sous les arbres pour me débarrasser de cette polonaise qui me harcelait. Je me levai et, voulant traverser la salle pour me diriger vers la porte, je dus passer auprès de la femme à la robe de foulard. L'enfant me vit et me tendit les mains. Je me penchai très bas pour baiser son petit bras qui avait un joli bourrelet à la manchette. J'allais me redresser lorsqu'il me sembla qu'un souffle tiède d'une incomparable douceur descendait vers moi et je sentis deux lèvres, oui, deux lèvres, effleurer mon cou. Je me rejetai en arrière avec un sentiment qui ressemblait à de l'effroi. La femme était très rouge, elle baissait les yeux et parlait à sa fille. Arrivée au bout de la salle, je me retournai rapidement, assez rapidement pour surprendre son regard qui m'avait suivi et pour voir sa compagne éclater de rire. Ce n'est point sous les arbres que j'allais, mais chez le marchand de joujoux. J'y pris la plus belle poupée que je pus découvrir et je revins m'asseoir devant la porte de la salle de bal. C'est par là qu'il fallait sortir, à moins d'avoir le manteau de Méphisto, et j'attendis. J'attendis une heure. Ces diables d'enfants ne finissaient pas de danser. Le défilé commença. Sur les degrés de l'escalier, les gamins sautaient encore. Lorsque je la vis paraître, donnant le bras au jeune homme à moustache blonde, tenant sa fille par la main, marchant près de son ami, je m'avançai et, sans dire un mot, je remis la poupée à l'enfant. La pauvre petite resta bouche béante et fit « Oh !» Puis, saisissant la poupée à deux mains, elle la montra au jeune homme en disant « Ah, papa !» Et le jeune homme se découvrit. « Vous êtes trop bon, monsieur, comme vous la gâtez. Plus tard, elle comprendra combien elle doit être fière d'un tel cadeau. Je devins rouge jusqu'aux oreilles. La mère s'inclina et sourit en guise de remerciement, mais sans me regarder. Ils s'éloignèrent, je l'accompagnai des yeux jusqu'à l'angle de l'allée. J'étais persuadée qu'elle se retournerait. Elle ne se retourna pas. Le soir, j'étais à mon poste, sous mon épicéa, auprès de l'orchestre que je n'écoutais guère, mais auquel, si je l'avais osé, j'aurais redemandé la polonaise du matin. Je regardais les femmes, mais je les regardais vainement, je ne l'aperçus pas. Je me couchais assez tard, quel beau rêve je te pourrais raconter. Les yeux bleus, les lèvres tièdes, les cheveux blonds, une symphonie lointaine, ce sont là les éléments d'un songe enviable. Mais rassure-toi, si j'ai rêvé, je n'en ai conservé aucun souvenir. Je dormis comme un loir, et c'est ce qui m'arrive toutes les fois que j'ai supporté quelque émotion. Je savais du reste, et depuis longtemps, que le rêve est fantasque de sa nature, réfractaire aux appels qu'on lui adresse, et qu'il revêt rarement les apparences qu'on voudrait lui imposer. Le lendemain matin, je me promenais dans le sentier de la prairie où coule un ruisseau qu'ici l'on nomme rivière. Une allée de vieux peupliers fait éventail contre les rayons du soleil levant. C'est un endroit admirable pour y rêvasser et pour y fredonner. Or, je fredonnais cette polonaise qui chantait d'elle-même en mon souvenir et dans laquelle je découvrais des notes folâtres que je n'avais pas remarquées la veille. Toute tristesse avait disparu. Je me trouvais heureux d'être. Des idées bizarres me trottaient par la cervelle. Je ne sais quel zéphyr de jouvence soufflait dans la vallée. J'avais des illusions, des espérances. Je formais des projets. J'étais redevenue jeune. Fouettant de mon bâton les herbes humides, redressant ma taille, la tête haute, les yeux perdus dans les contemplations de la rêverie, j'allais devant moi, ne me souciant de rien, comme si les yeux bleus me faisaient signe au bout de l'horizon. Tout souriait, la nature était blonde, et les rayons du soleil me semblaient tiède comme un baiser. Le chemin de fer à une seule voie qui relie Sternbach à Baumstein, station de la grande ligne de l'Europe centrale, traverse la prairie. Une locomotive siffla avec ce bruit strident, particulièrement pénible aux oreilles musicales, et je m'arrêtais comme un badaud pour voir passer le train. Il cheminait à 100 pas de moi entre deux haies, avec une allure paternelle qui eût fait sourire les trains éclairs. La forme lourde et maladroite des wagons enlaidissait le paysage. En ce lieu et en cet instant, le progrès moderne me déplut. À la portière d'une des voitures, une main agita un mouchoir. J'étais seule, c'était donc à moi que ce signe s'adressait. Je regardais, je fis 2 ou 3 mouvements de la tête avec une indécision qui prouvait que je n'avais reconnu personne. Le mouchoir disparut et, devant la fenêtre, j'aperçus la petite fille que soulevaient des bras invisibles. Des 2 mains, j'envoyais un geste de salut directement pris sur mes lèvres et restais immobile. Au moment où le train s'engageait derrière un bouquet d'arbres, le mouchoir blanc flotta de nouveau, puis je ne vis plus rien que les flocons de vapeur éparpillés au souffle du matin. J'étais un peu ahurie, je secouais la tête comme pour y remettre les idées en ordre. Hé, quoi d'étonnant qu'elle fasse une excursion dans les environs où il y a tant de beaux points de vue. Cette explication était concluante et j'étais de belle humeur en rentrant déjeuner. Le soir, je ne l'attendais guère près de l'orchestre du parc. Elle doit être fatiguée de sa course. Cependant, j'allais m'asseoir à ma place habituelle. Le lendemain, elle ne vint pas, ni le surlendemain. Elle ne revint plus. Je m'informais, je questionnais les rares personnes avec lesquelles j'étais en relation. Nul ne savait de qui je voulais parler. On me dit « Souvent, les officiers de la garnison d'Innsbruck viennent passer 1 jour ou 2 à Sternbach, surtout lorsque l'on y donne quelques fêtes extraordinaires, comme un concert ou un bal. » J'attendis 15 jours, guettant les femmes et regardant les enfants. J'allais successivement dîner à toutes les tables d'hôtes. Nulle part, je ne vis de robe en foulard bleu à pois blanc. Nulle part, je n'aperçus de petite fille à ruban écarlate. L'automne n'allait point tarder à jaunir les feuilles des hêtres. Il était temps de retourner à Paris, et je me décidai à rentrer en France. Par l'Italie, par le trajet le plus discret? Mais non, par le Tyrol. Puisque j'avais l'intention d'écrire un opéra sur la coupe et les lèvres, il m'était impossible de ne pas aller à Innsbruck. Parce que la fameuse scène des funérailles y serait mieux en situation qu'à Glurenz. Je ne sais comment cela se fit, mais dès que je fus arrivée dans la ville que je voulais étudier, pour y choisir les décors de mon futur drame lyrique, Je ne pensais plus à Franck, ni au Palatin Stranio, ni à Mona Belcolor même. Ce pauvre vieux Gunther, je l'avais oublié. Et cependant, je lui réservais un air pour baryton di primo cartello. Par quel hasard avais-je pris goût aux choses militaires? Je suivais avec intérêt les exercices des chasseurs tyroliens, j'admirais l'uniforme blanc de l'infanterie et je trouvais plaisir à voir les évolutions de l'artillerie de montagne. Je me disais, si j'aperçois les moustaches blondes, je retrouverai la robe en foulard bleu. Hélas, les moustaches blondes n'étaient point sur le champ de manœuvre et la robe bleue ne se montrait pas à la messe. Je repris la route qui mène vers le boulevard des Italiens et je revins chez moi. 3 jours après mon arrivée, Manette me dit « Monsieur a bien tort de voyager. Les voyages attristent, monsieur. » « Oui, Manette, vous avez raison. » L'hiver fut maussade, comme tous les hivers de Paris. De la pluie, de la neige, de la crotte, des concerts, la trompette des tramways, des ténors enrhumés et des barytons amoureux d'eux-mêmes qui chantent leur musique au lieu de chanter celle des compositeurs. Je m'ennuyais. Je vaguais à travers des rêvasseries stériles et le papier réglé entassé sur ma table s'étonnait de ma paresse. Je me reposais ou, pour mieux dire, je ne faisais rien, ce qui n'est pas la même chose. J'en avais honte car je me figurais qu'il y avait quelque part 2 yeux bleus qui regardaient de mon côté. Vers le printemps, j'eus à souffrir et je subis une de ces crises hépatiques qui jaunissent le visage et n'égaient point l'esprit. Mon médecin, auquel j'obéis toujours avec humilité, parce qu'il emploie des mots extraordinaires qui me font un peu peur, me conseilla, que dis-je, m'ordonna d'aller à Vichy. Il me parla en termes émus des Célestins, de Madame de Sévigné, de la Grande Grille, et me recommanda de partir le plus tôt possible. Je fis mes paquets, tout en chantonnant une polonaise que j'avais entendue l'année précédente, et je dis adieu à Manette. « Alors, c'est donc à Vichy qu'il faut envoyer les lettres qui viendront pour monsieur ?»« Manette, je vous le ferai savoir. » 4 ou 5 jours plus tard, Manette était avertie par moi qu'elle devait adresser mes lettres à Sternbach. Oui, ma filleule à Sternbach, où je m'étais rendue d'une traite pestant contre le raccordement des trains qui me fit perdre 2 heures à Vérone. Dès le soir de mon arrivée, j'étais dans le parc, près de l'orchestre, sous l'épicéa où ma chaise semblait m'attendre. Certaines dispositions d'esprit font mentir le proverbe, car les jours se suivent et se ressemblent. Ils sont uniformément ennuyeux et pesants. Ma vie se passait à errer dans les allées du parc, à tourner autour de la station du chemin de fer pour voir les voyageurs descendre des wagons, à lire attentivement la liste des étrangers comme si un nom que je ne connaissais pas pouvait être une indication. Je crus faire un coup de maître en priant le directeur du casino de donner un bal d'enfant. Je fis insérer des annonces dans les journaux du Tyrol. Il me semblait que j'assignais ainsi à un rendez-vous qu'on ne pourrait manquer. Au même endroit, derrière les arbustes, j'assistai à ce bal qui m'irrita. Nulle petite tête blonde, nouée d'écarlate, nul regard bleu sous des paupières baissées. Mon médecin avait eu raison, j'aurais dû aller à Vichy. Depuis plus de 2 semaines déjà, je me promenais sous les arbres, tout en surveillant la grande rue où passaient les voitures chargées de bagages, lorsqu'un jour j'aperçus le jeune homme aux moustaches blondes. Je m'arrêtai et m'appuyai contre un hêtre, car mon cœur était en tumulte. Il venait vers moi, je le regardais, je le trouvais pâli. Il marchait, la tête inclinée, chassant machinalement les cailloux du bout de sa canne. Il était vêtu de noir et selon les usages du deuil allemand, il portait un brassard de crêpe au bras gauche. Il passa près de moi sans me voir. Je le suivis, retenu par je ne sais quelle crainte inexplicable et n'osant l'aborder. Il se dirigeait vers l'orchestre qui venait de commencer l'ouverture de Sémiramide. Il se promena sur cette espèce de terre-plein qui s'étend devant le casino. Je m'y promenais aussi, mais en sens inverse, afin d'avoir l'occasion de le croiser. Plusieurs fois il me frôla, mais sans me remarquer. À la fin, je n'y tins plus et j'allai vers lui. Mon mouvement était si discret qu'il ne put se méprendre. Il ralentit le pas, me considéra avec attention, comme s'il eût fait un effort de mémoire, et me reconnut. Une expression douloureuse traversa ses yeux. Il me salua et fit mine de m'éviter. Je lui pris la main. « Et la petite fille ?» lui dis-je en souriant. « Comment va-t-elle ? L'avez-vous amenée ?» Le visage du pauvre homme se décomposa. « Je ne l'amènerai plus, ni ici, ni ailleurs. » Je lui saisis le bras. Quoi donc? Quelle horreur! Quoi? Cet enfant? Il fit un signe de tête affirmatif, puis, levant son regard vers le ciel, il dit à voix très basse. Là-haut, je l'entraînai vers un quinconce. Je le fis asseoir. Je m'assis près de lui. Voilà, dit-il. Elle a eu un mal affreux. Une angine. Le croup. Je ne sais pas bien. Elle étouffait. Elle nous regardait et semblait nous demander pourquoi nous la laissions souffrir. Cela a duré 5 jours. Oui, monsieur, 5 jours. Et puis la petite s'en est allée. Elle ne reviendra jamais, jamais. Le visage dans ses mains, il sanglotait. Et sa mère, lui dis-je. Sa mère? Il ferma les poings et eut comme un rugissement. Sa mère! Eh bien, elle est partie aussi. Sa fille l'appelait. Elle l'a soignée avec quel héroïsme, avec quelle imprudence. Il paraît que ce mal-là est contagieux. Ça prend à la gorge. Ça est sans pitié. Moi, je ne l'ai pas eue. Je ne sais pas pourquoi. La petite fille est morte. La mère est morte. Vous pleurez, monsieur. Je vous remercie. Je suis bien malheureux. Il me serra les mains, s'éloigna et, revenant tout à coup, il me dit, entre 2 sanglots, « J'ai conservé la poupée. La pauvre petite l'aimait tant. » Je restais seule sous les arbres. Vaguement, j'entendais l'orchestre qui jouait un pot-pourri des airs d'Offenbach. Je suis barbe bleue, au guet, jamais veuf ne fut plus gai. Toutes les deux, j'étais anéantie. Et je ne sais si je n'éprouvais pas plus de colère que de tristesse, plus de révolte que de douleur. Je personnifiais la mort et je répétais « Impitoyable, impitoyable !» Après un instant de repos, l'orchestre avait entamé une marche. Ce fut un coup de foudre. Sol, sol, la, si, fa, mi. Que se passa-t-il? Je ne le sais pas bien. Je me mis à crier. Taisez-vous, taisez-vous! On m'entoura. Ah, comme vous souffrez! Je portais les mains à mon visage. J'étais inondée de larmes. On me prit le bras, on me soutint, on me reconduisit à mon auberge. Le bruit se répandit que j'avais été frappée d'une congestion cérébrale. Les journaux le répétaient, cela m'était indifférent. Je n'eus même pas la pensée de réclamer. Le lendemain, par le premier train, j'avais quitté Sternbach pour n'y jamais revenir. J'allais au hasard, de ville en ville, de village en village, logeant chez les paysans, chez les gardes, chez les aubergistes. Je m'arrêtais pendant quelques jours au hameau de Linden, dans une sorte de cabaret où je trouvais une vieille épinette du siècle dernier. Pendant des heures entières, je restais assis à la fenêtre, dans cet état d'absorption qui semble dissoudre les contours de la matière et de l'esprit. On dirait que l'on se perd dans l'universalité des choses et que notre âme va s'absorber dans l'âme même de la nature. Je voyais alors, peut-être sans le regarder, un groupe d'admirables tilleuls dont les basses branches touchaient au mur de la maison. Je leur en voulais d'être si vigoureux, de vivre avec tant d'énergie, tandis que la plante humaine est brisée par le moindre souffle. Un matin, ces arbres me parurent plus beaux encore que de coutume. Il avait plu et tonné pendant la nuit. Au lever du jour, l'orage s'était dissipé, le soleil brillait et les gouttes d'eau recueillies par les feuilles tombaient lentement de branche en branche, avec le bruit d'un sanglot étouffé. Il me sembla que c'étaient les larmes de 2 âmes qui pleuraient d'avoir été arrachées trop tôt à la vie. Ces âmes, je les voyais, elles étaient toutes blanches, transparentes à force d'être pâles. Leurs cheveux blonds formaient un nimbe d'or, leurs paupières étaient voilées d'azur, la plus petite vagissait dans les bras de la plus grande. Je m'assis devant l'épinette et ce fut alors « Ne te moque plus de ton vieux parrain » que je composais « La pâleur des âmes », cette mélodie que je n'ai jamais pu jouer sans pleurer, ni toi non plus, je crois. Fin de la section 40, lue par Sophie France, Aveulent les roses en novembre 2024.